بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bienvenue à tous pour cette deuxième soirée lors du séminaire intitulé La religion du monothéisme. Et ce qui est voulu par là, bien entendu, c'est l'islam, la religion du monothéisme. La seule religion du monothéisme pur. Et comme vous avez pu le remarquer, nous avons choisi, donc avec mon frère Suleiman, hafidhahullah, de faire ce séminaire durant ces jours. Ces jours durant lesquels beaucoup de personnes vont associer à Allah autre que lui et inventer des mensonges concernant Allah le Très-Haut. C'est l'un des frères qui m'a envoyé un message concernant le son. Est-ce que vous entendez bien? Barakallahu fikoum. Alhamdulillah, c'est bon. Et donc, nous allons commencer aujourd'hui donc le deuxième cours concernant les méditations sur le week-end de Pâques. Nous avons vu précédemment l'origine de la fête de Pâques. C'est-à-dire que l'origine de cette fête vient du fait que les Juifs jeûnaient durant ce jour pour remercier leur Seigneur, car il a donné la victoire à Moïse, à Moussa sur Pharaon. Et donc, le premier à être concerné par cet événement, c'est Moïse. Penchons-nous un peu plus sur ce prophète. Moïse, qui est donc Moussa ibn Imran, le frère de Haroun. Comme vous le savez, la Bible est un grand livre, composé lui-même de plusieurs livres. Parmi ceux-ci, il y a le Pentateuque. Le Pentateuque pour les chrétiens et il est appelé la Torah chez les juifs. Ce Pentateuque ou cette Torah se compose de 5 parties. Ces 5 parties qui sont la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome. Ici, il y a un point très important, car vous le savez, la valeur d'un livre dépend de la valeur, ou du moins dépend de son auteur. La valeur d'un livre dépend de plusieurs éléments, et parmi ces éléments, il y a le nom de l'auteur. Voilà pourquoi les chrétiens et les juifs affirment que c'est Moïse qui est l'auteur du Pentateuque ou de la Torah. Le problème est que ces juifs et ces chrétiens se sont heurtés à des historiens qui, selon eux, le Pentateuque a été écrit par plusieurs personnes bien après la mort de Moïse. Et d'ailleurs, selon eux, Moïse est mort en 1400 avant Jésus-Christ. Et donc, à notre époque, on n'entend pas beaucoup, ou du moins on n'entend pas très souvent dire que c'est Moïse qui a écrit le Pentateuque. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui, on va dire, c'est un sujet qui fâche un peu. C'est un sujet qui fâche un peu. Pourquoi? Parce que les historiens sont venus avec des éléments qui vont contredire la prétention des juifs et des chrétiens. Mais si ce n'est pas lui, si ce n'est pas Moïse qui a écrit le Pentateuque, alors qui est-ce? D'ailleurs, pour rentrer un peu plus dans les détails, allons voir la fin de ce livre, la fin du Pentateuque. Le Deutéronome, chapitre 34, versets 5 et 6. Il est écrit ce qui suit. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel, et l'Éternel l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. C'est-à-dire, personne n'a connu son tombeau jusqu'à ce jour. Il y a dans ce passage un élément très important, même choquant, pour toute personne qui lit en méditant. Toute personne qui lit en méditant. Je vais relire le passage. Et concentrez-vous, je vais relire le passage. Et donc, le Deutéronome, chapitre 34, versets 5 et 6. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Vous constatez ici dans ce passage que Moïse a écrit sa mort et son enterrement. Moïse a écrit sa mort et son enterrement. Et cela appuie le fait que ce n'est pas Moïse qui a écrit le Pentateuque, comme on veut nous le faire croire. Et donc comment se fait-il qu'il écrive sa mort et son enterrement? Et vous constatez aussi que Moïse a écrit, donc si c'est lui qui a écrit ce Pentateuque, il a écrit « Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour ». Nous avons ici deux possibilités. C'est soit, donc la première possibilité, soit c'est Moïse qui a écrit sa mort et son enterrement avant de mourir. Et donc il a écrit sa mort et son enterrement avant de mourir. Et donc, quand il nous dit que personne ne connaît son sépulcre, personne ne connaît le lieu de son enterrement, personne ne connaît sa tombe jusqu'à ce jour, c'est tout à fait normal, car il n'est pas encore mort quand il écrit ce message. Il n'est pas encore mort. Et je dirais même que cette première possibilité est à jeter. Pourquoi? Parce que il n'est pas pensable que un prophète d'Allah agisse de la sorte. Cela revient de la bassesse et de la futilité. Personne n'est au courant de son tombeau jusqu'à ce jour. Ben oui, c'est tout à fait normal, car il n'est pas encore mort. Et donc, cette première option est à rejeter. Allons voir la deuxième option. La deuxième possibilité, c'est que c'est quelqu'un d'autre que Moïse qui a écrit ce passage après la mort de Moïse. Mais le problème, c'est qui? Qui a écrit ce passage? Et donc, ceci est une affaire sérieuse. Ceci est une affaire sérieuse. C'est une question de paradis ou d'enfer. Nous devons savoir qui est-ce qui est l'auteur de ce livre que nous lisons. Est-ce que ce livre est fiable ou pas? Qui l'a écrit? Qui parle? Tu n'as qu'une vie ici-bas. Alors ne prends pas ce sujet à la légère. Ne prends pas ce sujet à la légère. Voilà pourquoi vous constatez que les musulmans accordent une très grande importance à ce sujet. Savoir de qui nous prenons notre religion. C'est un fondement en islam. On ne prend pas de n'importe qui. C'est un sujet de paradis ou d'enfer. Même pour les traductions, on demande qui est le traducteur, qui a traduit, qui a fait ce travail, pour qu'on sache si cette personne est fiable ou pas. Et donc, il est vraiment dommage de constater que beaucoup de personnes s'adonnent à l'adoration, accordent du temps, se fatiguent en se basant sur des textes dont ils ne savent même pas qui sont les auteurs. Et donc, après avoir longuement parlé de l'origine de la fête de Pâques, parce qu'on a parlé de l'origine de cette fête lors du premier cours, et ici, lors de ce deuxième cours, on a un peu parlé donc de cette origine lorsqu'on a un peu abordé le sujet de Moussa, Moïse. Ce que nous avons dit ici montre clairement que ce n'est pas Moïse qui a écrit ce passage. Et il y en a d'autres. Il y en a d'autres encore. Mais on ne peut pas faire trop long. Et d'ailleurs, j'avais prévu de faire un peu plus long que ça ce soir, que cela ce soir, mais dû à donc certains événements, on ne va pas faire trop long non plus, inshallah ta'ala. Et donc maintenant nous allons voir ce que représente cette fête chez les chrétiens, la fête de Pâques. Que représente cette fête chez les chrétiens? Tout d'abord, le vendredi saint. C'est hier, le vendredi saint. Selon les chrétiens et en grande majorité les catholiques, c'est le jour durant lequel Jésus fut crucifié. Ce jour est donc pour eux une commémoration de la mort de Jésus. Et d'ailleurs, il est pour eux recommandé, donc chez les chrétiens, de jeûner ce jour-là. Et après cela, viendra le dimanche de Pâques, qui chez les chrétiens est synonyme de la résurrection de Jésus et de sa victoire face à la mort. Celui qui étudie en détail ce sujet comprend deux choses très importantes. Celui qui étudie en détail ce sujet, c'est-à-dire la fête de Pâques, avec tout ce qu'elle contient, la mort, la résurrection, etc., ce qu'il y a entre les deux, celui qui étudie ce sujet dans les détails, il lui apparaît clairement deux points très importants, deux points essentiels. Le premier point est que le week-end de Pâques est le moment le plus important de l'année chez les chrétiens. Le week-end de Pâques est le moment le plus important de l'année chez les chrétiens. Tu veux savoir le moment le plus important de l'année chez les chrétiens, le moment où ils vont tous se concentrer, tous leurs efforts, c'est le week-end de Pâques. Le deuxième point, c'est que ce même événement est celui qui montre le plus la caducité de la religion chrétienne. Ce même événement qui pour eux est l'événement le plus important, c'est celui-là qui montre le plus l'aspect caduc de cette croyance. Et donc certains vont me dire qu'ils ne voient pas le rapport entre l'origine de la fête de Pâques, qui est liée à la victoire de Moussa, donc de Moïse, face à Pharaon. Ils ne voient pas donc le lien qu'il y a entre cela et la résurrection de Jésus. Alors à cela je dis, attendez un peu, attendez un peu. Ça va venir. Là on vient à peine de commencer à rentrer dans le détail. On vient à peine de commencer à rentrer dans le détail. Et tout cela, vous allez comprendre, Inch'Allah ta'ala. Et donc, justement, en parlant de détails, vu qu'on a présenté Moussa, Moïse, on va aussi parler de Jésus. Avant de rentrer vraiment dans les détails de cette fête, on va aussi parler de Jésus. Qui est Jésus? Jésus est le fils de Mariam, Marie, en français. Comme Allah l'a appelé dans le Coran, Isa ibn Maryam. Isa, fils de Mariam, Jésus, fils de Marie. C'est un des plus grands prophètes et un de ceux qui fut le plus éprouvé par les hommes. Il est donc bon de savoir que Jésus a été envoyé aux enfants d'Israël spécifiquement. Allah cite le Coran que Jésus a dit aux Israélites, « Ya Beni Israël, inni Rasulullahi ilaykum. » Ô enfants d'Israël, je suis le messager d'Allah envoyé vers vous. Je suis le messager d'Allah envoyé vers vous. Sourate As-Saff, le verset numéro 6. Et dans la Bible, il est stipulé que Jésus a dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et donc, l'évangile de Matthieu, chapitre 15, verset 24. D'ailleurs, il y a un point essentiel dans cet évangile. Excusez-moi, on va faire une petite parenthèse. Je n'avais pas prévu de le citer, mais Inch'Allah ta'ala, on va le citer bidnillah. Et donc, je vais retourner vers cet évangile de Matthieu, le chapitre 15, le verset numéro 24. Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Et donc ça, c'est cela montre qu'il n'a été envoyé donc qu'aux Israéliens. Mais avant cela, il y a un point que les savants ont abordé. Les savants musulmans ont abordé ce sujet. Parmi ces savants, donc il y a donc le cheikh Taqiyaddin al-Hilali, le cheikh Rabi ibn Hadi aussi qui a abordé ce sujet. Et donc il est dit, Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, aïe, pitié, pitié de moi, Seigneur, fils de David. D'ailleurs, je reviens sur le mot Seigneur. Il ne faut pas croire qu'à chaque fois qu'on voit le mot Seigneur, cela signifie donc le Seigneur, le Créateur des cieux et de la terre. Seigneur est aussi une forme de respect envers une personne qui a un rang au-dessus. Et donc elle dit, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et donc cette femme qui appelle au secours, elle appelle à l'aide. Et donc il nous montre que Jésus ne répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Elle nous dérange. Elle crie au secours. Elle crie derrière nous. Elle nous dérange. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Allahu Akbar. Le pain des enfants, donc le pain des enfants d'Israël, et de le jeter aux petits chiens. Et là, cette femme, elle répond, oui, Seigneur, dit-elle, Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux, et à l'heure même, sa fille fut guérie. Les savants musulmans, ils ont abordé ce passage. Ce passage est à rejeter. Nous ne pouvons pas affirmer et dire que Jésus, un prophète envoyé par Allah, le Seigneur de l'univers, s'adresse à une personne en la comparant, elle et son peuple, de chiens, parce qu'elle demande le secours. Et que cette femme, elle vienne et elle affirme cela, elle appuie cela en disant que les chiens peuvent manger les miettes des enfants. Et donc on revient encore sur ce point essentiel qui est que nous devons faire attention aux sources sur lesquelles nous nous basons pour notre religion. C'est un sujet de paradis ou d'enfer. Il faut faire attention. Qui s'adresse à nous? Qui s'adresse à nous? Est-ce que ces personnes qui nous racontent la vie de Jésus, est-ce qu'ils l'ont fréquenté? Est-ce que ces personnes l'ont fréquenté? Et c'est ce qu'on verra en détail, inshallah ta'ala. Parce que nous avons, il est important, donc des personnes qui nous racontent la vie de Jésus, qui témoignent, les évangiles, ils témoignent concernant les passages de la vie de Jésus. Mais est-ce que ces mêmes personnes, ils ont fréquenté Jésus ou pas? Non. Et donc, sur quoi est-ce que nous nous basons? Où sont les sources? Qui t'a raconté cela? Où as-tu pris cette histoire? Et donc, je ferme cette parenthèse, excusez-moi. On revient donc sur notre sujet, c'est que Jésus n'a été envoyé qu'aux Israéliens. Certains s'étonnent et disent, Dieu est bon. Pourquoi ne pas sauver tout le monde? Dieu est bon, il aime tous les êtres humains. La réponse est simple. Allah a envoyé le prophète. Allah a envoyé un prophète à chaque communauté. Puis a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des messagers. Et il l'a envoyé à tous, à toutes les communautés. Allah il dit dans son livre, dans le Coran, « وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ » Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant que annonciateur et avertisseur pour tout le monde. Cependant, la majorité des gens ne le savent pas. Ils rejettent. Sourate Sebe, verset numéro 28. Et donc Jésus n'a pas été envoyé aux Gaulois ou alors aux descendants des Gaulois. De la même façon, il n'a pas été envoyé donc aux Africains qui ont été transportés jusqu'aux Antilles et à leurs descendants. Jésus a été envoyé aux enfants d'Israël. Allah il dit dans le Coran: "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut." Certes, nous avons envoyé à chaque communauté un messager qui leur ordonnait d'adorer Allah et de délaisser le taghut. De délaisser tous qui est adoré en dehors d'Allah. Sourate An-Nahl, le verset numéro 36. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit comme dans les deux recueils authentiques de Al-Bukhari et de Muslim, il dit كَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً. Chaque prophète était envoyé à sa communauté de façon spécifique. Et moi, j'ai été envoyé à tout le monde. J'ai été envoyé à tout le monde. Et donc les chrétiens prétendent que Jésus est le Fils de Dieu. Et donc parmi les éléments importants qu'on va aborder concernant Jésus, on l'a vu hier aussi, mais on en parle un peu aujourd'hui. Les chrétiens prétendent que Jésus est le Fils de Dieu. Et ils ont cité dans la Bible la généalogie de Jésus, selon eux. On va se pencher sur ce sujet. Ça aussi, c'est un sujet très important. Un sujet piquant. Nous pouvons la trouver dans les témoignages de Matthieu. Et donc, la généalogie de Jésus, on la trouve dans les témoignages de Matthieu. Donc, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 1. Les premiers passages de l'évangile de Matthieu. Et aussi l'évangile de Luc, chapitre 3. Les deux témoignages se contredisent dans la lignée. Et ne sont pas en accord. Un des deux témoignages est-il faux? Car ils ne sont pas en accord. Et en cherchant, tu vois que il n'est pas possible de les rassembler les deux. Et donc, Est-ce qu'un des deux témoignages est faux? Et là, il y a une question qui se pose. La Bible peut-elle donc contenir de fausses informations? Mais le plus surprenant, ce n'est pas ça. Le plus surprenant de ces deux chaînes, de ces deux chaînes généalogiques, c'est que Matthieu et Luc sont tous deux d'accord sur le fait que Marie, la mère de Jésus, était vierge et que Jésus n'est pas lié à Joseph par le sang. Pourtant, Matthieu et Luc s'accordent tous les deux sur le fait de tracer la ligne généalogique de Jésus en passant par Joseph et non par Marie. Et là, c'est choquant. Et là, c'est choquant. Ligne généalogique de Jésus qui passe par Joseph et non par Marie. Et donc, comment se fait-il que la ligne généalogique de Jésus passe par Joseph et non par Marie, la Vierge? Ceci est un gros problème chez les chrétiens, un très gros problème. Beaucoup de prêtres espèrent qu'on ne leur pose pas cette question, car ça les met dans l'embarras. Devoir trouver une réponse à cette question, ça les met dans l'embarras. Comment répondre à cette question? Parmi les tentatives, parce qu'il y a eu quand même des tentatives de réponse, parmi les tentatives de réponse qui sont connues, il y a le fait de dire que Matthieu présente en réalité la généalogie de Joseph et non celle de Jésus. Et donc Matthieu ici, il présente la généalogie de Joseph. Mais ce n'est pas la généalogie de Jésus qui est voulue par là. Car il insiste beaucoup sur Joseph dans son histoire. Matthieu, il insiste beaucoup sur Joseph dans son histoire. Et donc c'est une belle tentative en fait. Oui, c'est une belle tentative. Le problème c'est que Matthieu dit clairement que c'est la généalogie de Jésus. Et donc vous allez... Matthieu, chapitre 1, verset 1. Il est cité. Généalogie de Jésus, Christ, fils de David, fils de Abraham. Et donc ici, il cite la généalogie de Jésus. Et quand il dit fils de David, fils de Abraham, c'est parce que, en fait, dans cette généalogie, elle monte jusqu'à David, puis jusqu'à Abraham. En fait, il nous montre que Jésus, sa descendance, elle va jusqu'à Abraham. Mais il commence au tout début en disant « généalogie de Jésus ». Et donc ce n'est pas la généalogie de Joseph qui est voulue ici. Il l'a dit clairement. Et ensuite il cite la généalogie jusqu'à ce qu'il arrive en disant donc au verset 16 « Jacob engendra Joseph ». Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé le Christ. Ça, c'est marqué dans la Bible. Là, je ne vous parle pas d'un livre qui est contre les chrétiens, etc. C'est marqué dans la Bible. Et donc, cette tentative tombe à l'eau. Deuxième tentative consiste à dire que Luc, donc on a vu par rapport à Matthieu, donc la deuxième tentative, c'est par rapport à Luc. Ils disent donc que Luc, lui, il vise par son témoignage la généalogie de Marie, car il parle beaucoup d'elle dans son histoire. Et donc, ils vont dire que, encore une fois, là, ce n'est pas la généalogie de Jésus, c'est la généalogie de Marie. Sauf que Luc aussi, il dit explicitement qu'il parle de la lignée de Jésus. Excusez-moi, qu'il parle de la lignée, donc, qu'il passe donc par la lignée de Joseph et non par la lignée de Marie. Ils vont nous dire que ce qui est voulu par là, c'est la lignée de Marie et pas celle de Joseph. Pourtant, Luc, il dit clairement que c'est la lignée de Joseph qui est citée. Et donc, Luc, chapitre 3, verset 23, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils de Élie. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ça, je ne vous parle pas d'un livre qui est contre la religion chrétienne, comme ils disent antéchrist. Mais je vous parle de la Bible, leur propre livre sur lequel ils se basent, qui contredit totalement leurs fondements et qui contredit les fondements de la religion, les fondements de l'islam. Jésus, fils de Joseph, Allahul Musta'an, Allahul Musta'an, quel mensonge évident. Et ceci est un gros problème chez les chrétiens, qui montre qu'il y a un gros problème. Avec le livre sur lequel ils se basent pour fonder leur croyance. C'est un gros problème. Un livre qui contient des contradictions. Et donc, après avoir vu quelques contradictions présentes dans la Bible concernant Moïse et Jésus, il nous reste deux points essentiels à voir. Deux points essentiels à voir concernant la fête de Pâques. Et donc, on a vu l'origine de la fête de Pâques. L'origine chez les Juifs par rapport à Moussa, à Moïse. On a vu donc l'histoire de Moïse. On a parlé un peu de l'histoire de Moïse dans la Bible. Et certaines contradictions, on a cité certaines contradictions liées à Moïse, liées à l'histoire de Moïse dans la Bible. Ensuite, on a vu le lien avec les chrétiens, et donc forcément on parle de Jésus, et on a donc vu certaines contradictions liées à l'histoire de Jésus dans la Bible. Il nous reste donc deux points essentiels à voir. Les contradictions, donc premier point, les contradictions dans la Bible concernant la mort de Jésus. Et donc, le vendredi saint, hier, concernant la mort de Jésus, le vendredi saint est-il réellement vendredi saint? Ça, on le verra demain, inshallah ta'ala, pour le dernier cours. Le vendredi saint est-il réellement vendredi saint? La mort de Jésus, les contradictions dans la Bible sur ce sujet. Les contradictions liées à la résurrection de Jésus. Allahu Akbar, Subhanallah, l'événement le plus important chez les chrétiens, la base, le fondement de la religion, contient des contradictions évidentes. C'est vraiment impressionnant de voir qu'un événement d'une aussi grande importance contient autant de contradictions. Allah Tabaraka wa Ta'ala, ici, montre clairement aux gens que cette religion est caduque, est fausse. En réalité, celui qui veut réellement suivre la vérité et ne veut pas s'accrocher à la religion de ses ancêtres, en admettant que c'est la religion de ses ancêtres. Parce que concernant l'histoire des Antilles, on sait très bien que c'est un sujet un peu à divergence. Les esclaves, quand ils sont arrivés aux Antilles, étaient-ils chrétiens ou pas? Donc, ça, c'est sûr qu'ils n'étaient pas chrétiens quand ils sont arrivés aux Antilles. Ça, on le sait. Ils ont été justement forcés à suivre la religion chrétienne. Mais quelle était leur religion? Et donc, lorsque tu vas t'efforcer à suivre la religion de tes ancêtres, je te demande, mais quelle est la religion de tes ancêtres? Est-ce que c'est celle religion que tu pratiques aujourd'hui? Ou c'est la religion qu'on a imposée à tes ancêtres? Et donc, si cette personne ne suit pas aveuglément ses parents ou le pays dans lequel il réside, alors cette personne ne peut pas rester en voyant toutes ces preuves, en voyant toutes ces contradictions sur cet élément aussi important. Cette personne ne peut pas rester insensible à cela. Elle ne peut pas rester insensible à cela. Car certes, il apparaît de façon claire et évidente que la Bible a été altérée par l'homme qui a retiré et rajouté ce qui lui plaît. Et c'est là qu'on conclut en citant la parole d'Allah dans son livre, dans le Coran. Allah le Très-Haut qui dit « Afala yatadabbaruna al-Qur'an wa law kana min 'indi ghayrillah la wajadu fihi ikhtilafan katira » Sourate An-Nisa, le verset 82. « Ne médite Ne médite-t-il pas sur le Coran? Et s'il provenait d'autre que Allah, ils y auraient trouvé beaucoup de divergences, c'est-à-dire beaucoup de contradictions. Allah tabaraka wa ta'ala, dans ce verset, il affirme que le Coran, c'est sa parole, que le Coran vient de lui. Et il montre que tous ces éléments, que ce qui vient d'autre que lui, va forcément contenir des contradictions. Et donc tu vois aujourd'hui que ce livre sur lequel tu te bases, sur lequel tu t'appuies nuit et jour, contient des contradictions. Sache qu'il ne vient pas du Seigneur de l'univers, tout simplement. On va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. Et donc dans quelques instants, bi'idhnillahi ta'ala, notre frère Souleymane, qui va continuer son intervention intitulée La divinisation de Jésus, un sujet très très important, qui va dans le même sens que le sujet que nous avons abordé aussi aujourd'hui, mais détaillé d'une autre façon. Et donc, j'encourage mes frères à assister à ce cours et à profiter. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder à tous une science profitable et nous lui demandons d'ouvrir les yeux à tous ces chrétiens qui jusqu'à aujourd'hui n'ont pas compris la vérité Et nous demandons à Allah Azza wa Jal de permettre aux musulmans qui ont dans leur entourage des chrétiens, leurs voisins, leurs proches, leurs cousins, nous demandons à Allah de permettre à ces musulmans d'expliquer la vérité aux chrétiens, de leur donner la science nécessaire pour pouvoir expliquer cette vérité, pour pouvoir les guider vers l'islam, pour être des causes de bien, des causes de la propagation de cette religion magnifique, la religion du monothéisme pur, l'islam, la religion des prophètes. Allah tabaraka wa ta'ala est capable de toutes choses. Donc notre prochain rendez-vous est demain, inshallah ta'ala, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.